Música i companyia, companyia i música. I tot això amb cançons en francès. Soc Rafael Corbí i avui us acompanyaré durant aquests gairebé 60 minuts amb cançons cantades amb aquest idioma. Comencem ràpidament amb un parell de temes que us triem perquè us acompanyin i després anirem amb els nostres àlbums destacats. Primer amb Leo Ferrer, després amb més actualitat i la cantant Ingrid. Vous pouvez faire monter vos bières. Un jour vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Y'en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Y'en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Y'en a marre, y'en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Y'en a marre. Il y a quelque temps, monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Y'en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Y'en a marre, y'en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et y'en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Y'en a marre. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, les étoiles, pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Y'en a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les hommes, pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Y'en a marre, y'en a marre. On vit, on mange et puis l'on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Y'en a marre. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption est tout paquet et viendra gueuler dans nos ruines. Y'en a marre, y'en a marre. Des del 1968, en públic a l'Alhambra, Leo Ferrer i aquesta cançó que acabaves d'escoltar, que acabàveu d'escoltar a Olala Music. Abans de passar amb el nostre disc especial que avui ens acompanyarà durant bona part de la programació, escoltem des del 2011 aquesta cantant Ingrid Emiliana Alberini. Ella ens canta Etienne. salée, salée, tombée le long du lit de l'inédit. Il aime à la folie, au ralenti, je soulève les interdits. Oh, Étienne, Étienne, Étienne, tiens le bien, affolé, affolant, il glisse comme un gant. Doncs aquí estem al vostre costat, a Olala Music. Com sempre, és tot un plaer acompanyar-vos moment a moment i minut a minut. I ara, qui ens acompanyarà també al nostre costat serà un excel·lent amic nostre, que és l'Àngel Rodríguez. L'Àngel ens conduirà un cop més una de les seves excel·lents recomanacions musicals per al programa d'avui. Benvingut, Àngel. Avui us proposo un èxit contemporani sortit l'estiu del 2017, Vient la nuit. És a càrrec del jove duet suís Alios, format per Alizé Oswald i Xavier Michel. Van debutar el 2009. La cançó val la pena, Vient la nuit, amb el duet suís Alios. Couler dans l'asphalte, une fourmilière de sous la pluie de nos étreintes. Dans la nuit, laissant nos empreintes. El nostre company, amic i excel·lent DJ-hockey anomenat Àngel Rodríguez, que ens porta aquest tema, se'ns torna modern, Alios, el duo suís, com ens comentava ell, i Avian Lanoui, que ens havia acompanyat. Bé, el nostre disc especial d'avui és un disc número 1 a França i també molt ben qualificat a Suïssa i a Bèlgica, com correspon. Un àlbum en francès de diversos artistes i que ens resumeix alguna de les millors cançons de Johnny Hallyday. El 17 de novembre de 2017 sortia aquest àlbum d'homenatge, un àlbum col·lectiu que ens porta diferents artistes, entre ells, per exemple, aquesta que escoltem, a càrrec d'un músic que ja hem tingut més d'una vegada entre nosaltres, el cantant francès nascut el 1996, en Kenji Girac, una cançó que estava a la composició de Jean-Jacques Goldman, a música i a la veu, i que es deia L'Envier i que ens interpretava Johnny Hallyday. És un resum de les seves cançons. Avui els escoltem a càrrec d'altres artistes. Donne l'obscurité et puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Comme enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme non pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier mais toujours.

On va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irritée. Elle ne m'a pas lâché du nom. Quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle. Au moins, elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. El qual musicalment és Garú i que ens portava també una altra d'aquestes cançons que podrien trobar amb aquest disc d'homenatge a Johnny Hallyday i que es diu així, així ens portava la seva música amb aquest On a tus cacachos de Johnny, un joc que han fet de paraules amb una de les seves cançons, tots tenim alguna cosa d'unes altres de Tennessee, doncs ells han agafat la frase de la cançó i han posat tots tenim alguna cosa del Johnny dins nostre. Aquesta és la música que ens portava doncs diferents artistes i que continuarà també amb altres intèrprets i altres artistes que ens van acompanyar amb aquestes fantàstiques cançons que avui estem recordant. Abans de que una mica passada la meitat del nostre programa ens arribin Ciril Torres i també la seva col·laboració, escoltarem una altra de les cançons que formen part d'aquest disc d'homenatge a un dels grans clàssics de la música. Retien la nuit amb Benjamin Violet. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande pas, tu ne comprendrais.

pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crever. Je pleure, mais je chante quand même. Music al vostre costat amb en Rafael Corbí. Sempre és un plaer compartir aquesta hora gairebé de programa amb tots vosaltres, amb tota la gent que ens escolta, però a més també amb els nostres col·laboradors, de qui haig de dir que aprenc moltíssim en la seva percepció de la música. De fet, amb en Ciril Torres, el nostre proper convidat, ja li hem canviat el nom després del que ens va portar la setmana passada, la gambarrada musical que va dir ell, i li hem posat l'enfant terrible així per al món de la música. Ciril, benvingut. Gràcies, Rafael. Hola, la, gràcies a tothom, i doncs, merci per permetre'm expandir les gambarrades musicals que generen coses noves i que porten, sobretot obren nous camins, i a vegades de la transgressió musical doncs neixen coses força interessants. Hi ha coses que semblen molt incompatibles, com podria ser la música electrònica i les cançons clàssiques. De vegades hi ha gent que és capaç de trobar aquesta connexió, i en aquest cas el que fem és recuperar Edith Piaf, que és doncs un dels grans icones de la chanson française, i un dels seus temes també doncs més coneguts, com és La Foule, en versió electrònica. De fet, és allò que deien, pot canviar el fons però no la forma, no? La forma o no el fons. La forma i el fons al final no són més que camins que ens permeten doncs compartir aquesta música. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. We'll be right back. la joie que l'a poussée par son sourire. Notre transpère s'est rejailli au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. Quand la foule vient l'arracher d'entendre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. La Music, amb la companyia de Ciril Torres, mai estarem prou agraïts amb ell també per participar amb el nostre programa, igual que fa l'Àngel Rodríguez i en Hamid. Aquí properament tornarem a tenir al vostre costat. Avui aquí escoltarem, serà a la música amb un àlbum que recordem, però també força contemporani, a Christophe Guillem, de nom real Christophe Daugier, cantant, autor i compositor francès, nascut el 3 d'agost de 1983 i que va ser un dels protagonistes de la temporada 4 de l'emissió de Novel Star el 2006 i que va editar el seu primer àlbum el 2007, Inventeur, es deia l'àlbum, col·laboracions amb Sazie, amb Philippe Catherine, amb Bertrand Bougala i també amb Valérie Lemercier, en cançons que ell havia escrites que havien estat escrites anys enrere, com Chambre à Bebou o una altra de les que també van tenir força èxit amb l'àlbum. Però n'hi va haver dues que van ser capdals en arribar al públic, la majoria del públic francès. Aquest Double G va ser número 1 a França i a Bèlgica des d'aquest disc. guanyador del Nobel Star 2006, la versió francesa del que l'estat espanyol va ser o és Operación Triunfo, un personatge que ha causat molt d'interès entre els gals amb la seva veu tan destacada i el seu aspecte força ingenu, tot s'ha de dir. Christophe Guillem ha inventat el que han passat a dominar la Turtle Attitude. Un personatge, doncs, que avui volem recordar des dels seus orígens, amb les seves primeres cançons i els seus primers senzills, el 2007, com aquest tema compost per Zazie i que ell interpretava, Jax Addict. Je suis un oiseau qui est tombé de haut. Acabarem aquest repàs a la seva música des del 2007 i recordant aquest seu primer àlbum de Christophe Guillem, aquest Inventeur d'aquest 2007, amb una de les cançons que hem comentat, que havia escrit ell anys abans i que va incloure amb aquest disc. Christophe Guillem, Oh La La Music. Chambre avec vue. J'ai disparu du monde pour elle. Ici, je n'ai plus d'idole, maintenant je n'ai plus qu'elle. cet hôtel. J'ai disparu du monde pour elle. Je quitte mon corps, je suis en doncs recte final del nostre espai. Rafael Corbí us ha anat acompanyant durant tots aquests minuts amb tots aquests àlbums destacats de la música i del avui i de l'ahir, amb Christophe Guillem des del 2007, però també amb aquest àlbum homenatge a la música de Johnny Hallyday, càrrec de diversos artistes de l'actualitat que ens han acompanyat. Una darrera cançó que ens acompanyarà serà un dels èxits destacables de finals dels 80, principis dels 90, concretament del 1990, avui amb una cançó de Félix Gray, de Didier Vavelivien, que es deia Totes les filles, totes les filles o totes les noies, aquesta cançó que ens portaven aquests dos personatges. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat una nova edició, la 29a de Olala Music. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis restée adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elle savait, des océans au fond des yeux. Elle dansait, pour nous garder plus amoureux. Elle disait, que l'amour c'est toute une vie. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Des océans au fond des yeux. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner dansant, au soleil